Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais, mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Mithra, prendre le culte par les cornes, du mystère sous terre avec le culte de Mithra. Qui est ce dieu juvénile avec son bonnet phrygien? Que fait-il avec son taureau? Pourquoi le succès de ce culte dans l'Empire romain? Une secte, une religion? Mithra n'était-il pas le principal rival de Jésus? Philippe Roy, bonjour. Bonjour. Qui est Mithra? Mithra, c'est un dieu d'origine indo-perse qui a voyagé d'Orient en Occident au cours de nombreux siècles, qui a fait une station assez longue en Perse et qui a surgi dans l'Empire romain sous forme d'un culte dit à mystère au 1er siècle de notre ère. Dès que le mot mystère est en là... En ayant fait un petit passage par l'Asie mineure lors de du démantèlement de l'Empire d'Alexandre où il apparaît entre autres dans un temple célèbre à Nemrudag. Voilà, l'idée du mystère nous conduit à réfléchir avec le regard de l'historien, de l'historienne sur cette évolution. Et vous nous dites, hein, Philippe Roy, qu'il y a une naissance indienne de Mithra. Nous sommes vraiment plusieurs siècles avant notre ère. Oui, là nous sommes dans le deuxième millénaire avant notre ère, quand les Aryas se déploient. Et... arrive jusqu'en Perse. Et donc le nom de Mithra, sans H, hein, M-I-T-R-A, apparaît dans le Rig Veda, où il est associé à Varuna. Il apparaît comme un dieu plutôt lumineux, associé à Varuna qui est la nuit, et il est le garant des contrats. Mithra, en sanskrit ancien, signifie contrat, avec une forme neutre, donc qui signifie contrat, et une forme masculine qui signifie ami. Donc Mithra est un dieu bienveillant qui veille au respect des contrats passés entre les humains. Alors cet aspect-là va s'effacer. Dans son aspect perse, il garde encore ce caractère, mais il est le garant de la souveraineté royale. Et dans la partie Asie mineure, donc là nous sommes au 2e, 1er siècle avant notre ère, il est encore... Le garant de la souveraineté royale, puisqu'on a un document archéologique qui date du 1er siècle avant notre ère, où le roi Antiochos Ier a fait construire un temple. On a une stèle qui représente Antiochos et Mithra se serrant la main droite, qui est la représentation d'une sorte d'adoubement, où le roi est reconnu par le dieu comme étant le souverain. C'est un long cheminement, hein. Nous l'entendons bien avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Margot Bécasse, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice du patrimoine et au musée Saint-Raymond, vous êtes une des commissaires de cette exposition, le mystère Mithra, avec cette origine que nous entendons lointaine, hein. L'Inde, le passage en Perse, attention, il approche, il arrive vers l'Empire romain. À quel moment voit-on les premiers signes d'un culte de Mithra dans l'Empire romain? Alors, les premiers monuments mithriaques sont traditionnellement datés entre 80 et 100 après Jésus-Christ. On a notamment une inscription, une des premières inscriptions d'un adepte de Mithra qui provient du site de Carnuntum. Et c'est un hôtel qui a été dédié par un certain Barbarus, un ancien légionnaire qui est donc vers 80 dévot de Mithra. Et les premiers monuments figurés qui représentent l'épisode principal du mythe de Mithra, la tauroctonie, ont probablement été réalisés autour de 100-110 après Jésus-Christ. Voilà, il y a un taureau dans cette histoire-là. Il est essentiel pour bien préciser, Margot Bécasse, nous l'entendons, hein, cette évolution venue de l'Inde, de la Perse, donc de l'Est, tout doucement se propage. C'est la même chose dans l'Empire romain, c'est-à-dire qu'on voit les premières traces du culte de Mithra du côté oriental de l'Empire romain, et puis il progresse tout doucement. Ou est-ce qu'il envahit l'Empire romain d'un seul coup? Est-ce qu'on va trouver les premières traces en Syrie, et puis tout doucement se propager vers la Gaule? Alors... Les premières traces du culte se trouvent essentiellement dans la région, en Europe centrale, hein, sur la région du Limès, et puis également à Rome. Et progressivement, on va voir des monuments apparaître également en Germanie, et puis dans d'autres provinces, notamment en Gaule. Ça signifie quoi, ça, Philippe Roy, d'ailleurs, qu'il y ait une apparition en Europe centrale, en Germanie? Alors là, on tombe dans la nuance qu'on doit faire entre le dieu et le culte. Enfin, ce qu'on entend... par culte romain de Mithra, c'est la forme, une forme tout à fait occidentale d'un culte livré à un dieu d'origine orientale. Donc l'aspect oriental s'efface totalement dans le culte romain de Mithra. Alors la question qu'on s'est posée, c'est d'où il vient. Quand il apparaît en Italie et sur les frontières nord-est de l'Empire, le long du Danube et du Rhin, effectivement à la fin du 1er siècle, comment est-il arrivé là? Or les premiers... dédicants sur la frontière nord-est sont des légionnaires. On a celui de Carnuntum, on en a un à Edernheim, en Allemagne actuelle. Celui de Rome est un esclave. Donc on n'a pas affaire à un militaire. Ceci nous a mis la focale sur deux aspects. L'importance des militaires dans la diffusion du culte, d'Orient en Occident, et l'importance de la première implantation à Rome même. Et la théorie est que le culte aurait été transmis effectivement par les militaires de retour des guerres de Corbulon qui aboutissaient à l'annexion de la Commagène en 73 sous le règne de Néron. Et donc les légionnaires auraient apporté ce culte en Occident depuis la Commagène. D'accord, c'est-à-dire... Et on met un conditionnel. Voilà, il faut du conditionnel. Mais apparemment, comme on trouve aussi les premières manifestations à Rome, mais dans un milieu qui n'est pas militaire, d'ailleurs à Rome même, on n'avait pas de militaire théoriquement, les gens en armes n'étaient pas censés être dans la ville, à part la garde prétorienne. Donc on pense que le transfert aussi est passé par la ville de Rome. C'est pour ça qu'on a plusieurs théories actuellement. Une théorie qui pense que le culte romain de Mithra est arrivé directement construit de l'Asie mineure. Donc, la Commagène à l'Asie mineure, voilà. Oui. Qu'il a été... La deuxième théorie, c'est que les éléments récupérés en Asie mineure ont été transférés en Italie, où là, on a élaboré le culte dit à mystère, de type gréco-romain, qui n'existe pas en Orient, pas du tout. Et la troisième théorie, c'est que le culte aurait été entièrement construit à Rome même, ça c'est celle de Manfred Klaus, et des Allemands en fait, Manfred Klaus et Reinhold Melkerbach. Mais cette théorie-là est quand même relativement peu reçue. Voilà, il y a cette évolution qui est importante, mais avec cette spécificité romaine, une fois que ce culte de Mithra est adopté. Pascal Capus, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes commissaire de cette exposition au musée Saint-Raymond de Toulouse, le mystère de Mithra. Quels sont les éléments figuratifs de ce culte? Parce que il y a une iconographie majeure qui fait que, au moment de visiter un musée lapidaire, nous voyons des statues et on dit, ah, ça, c'est Mithra. Oui, alors Mithra est reproduit toujours de la même manière, c'est-à-dire que nous avons, et l'exposition l'illustre parfaitement bien à Toulouse évidemment, cette série de ce que l'on appelle une tauroctonie, on a une sorte d'invention en fait, hein, toute une terminologie évidemment moderne. Mithra tue le taureau est accompagné d'étranges animaux en fait qui s'obstinent pour le scorpion lui pincer les testicules, pour le chien lui lécher le sang donc qui coule boucle de la plaie béante, et puis le serpent également qui vient ramper sur son flanc droit, puisqu'en général le taureau a toujours la tête donc tournée vers la droite, et c'est une image donc récurrente, c'est une image qui est finalement conçue comme peut l'être une image de culte en fond de chapelle, et vers laquelle se tournent les adeptes dans le cadre de ce culte. Et ce dieu ressemble à quoi ? Et ce dieu, il est, vous l'avez très bien dit en introduction, il est juvénile, il est bouclé, il porte un chapeau très certainement de feutre de type phrygien, donc qui trahit évidemment ses origines donc orientales, mais là encore, il y a toute une sorte d'exotisme qui naît autour de cette image mithriaque dans le monde occidental romain, qui fait que on revient très certainement et on accentue très certainement les caractéristiques orientales pour déterminer en fait la nature du dieu. Il porte un pantalon plutôt, alors on dit bouffant, mais en fait c'est un pantalon qui est très proche, donc très près de la peau, et il porte un grand manteau attaché par une fibule à la romaine, mais il est surtout en train de tuer le taureau. Oui, c'est ça, hein, qui est important, c'est cette présence du taureau, parce que c'est la représentation majeure, mais Mithra ne se résume pas simplement qu'au moment où ce dieu tue le taureau. Il y a toute cette histoire qui nous intéresse, qui nous fait partir de l'Inde, traverser la Perse et arriver dans l'Empire romain. Évidemment, l'Empire romain jusqu'en Gaule. Du haut de la pyramide romaine, les empereurs deviennent plus fous que les pharaons. Qui peut extirper la culture des peuples sans exterminer les peuples eux-mêmes? Dérisoire effigie d'un empereur. Qui veut adorer son ennemi? Comment allier l'adoration et la rancune? Les peuples opprimés font-ils une idole de leurs oppresseurs? Furtif, venu de Perse, Mithra gagne à travers tout l'Empire. Ce dieu allie dans le sang du taureau le soleil et la terre. Il englobe, il réunit, il unifie, il répond aux besoins des consciences confuses. Il pénètre la forêt celtique. En 1978, sur Antenne 2, La forêt, les étoiles, l'évolution de la spiritualité en Gaule, avec l'évocation de Mithra. Margot Bécas, ce dieu englobe, réunit. Mithra est un dieu plutôt sympathique, en fait, tel que nous l'entendons ici. C'est pas un dieu vengeur, c'est un jeune homme, tel qu'il est représenté. C'est un dieu que vous appréhendez de quelle manière ? Alors oui, je dirais que Mithra, tel qu'il nous apparaît à travers l'iconographie que nous a livré les sanctuaires découverts dans le monde romain, Mithra apparaît comme un dieu rédempteur. C'est celui qui sacrifie le taureau. Alors bon, le sacrifice du taureau, a priori, c'est un acte qui semble violent, mais qui est accompli à des fins salvatrices. Par l'action du sacrifice du taureau, Mithra fait renaître la nature. C'est la régénération de la végétation, la régénération du monde. Donc par là, Mithra est un dieu bienveillant, un dieu protecteur du cosmos. Il est le garant de l'ordre universel. Oui, c'est un dieu sauveur, on peut dire ça, Philippe Roy? Alors, le terme de sauveur étant très connoté par le christianisme, et là, on est dans une période pré-chrétienne, quand même. Donc, le terme de sauveur est à prendre, je dirais, avec des pincettes. C'est un dieu salvateur, plus exactement. Parce que le terme de sauveur étant attribué au Christ, le Christ sauve d'une certaine manière bien précise, il sauve les âmes humaines, alors que Mithra, lui, il régénère le monde entier. Le monde naturel, avec les humains qui sont compris dedans. Il y a une petite différence qui est non négligeable dans cet aspect-là. Mais salvateur, oui, certainement. D'ailleurs, dans certaines inscriptions, cette notion-là apparaît. Mais pas en termes de salut au sens spirituel, en termes de salvation de la terre, du monde d'ici-bas. Pourtant, dans la chronologie, nous avons une similitude dans ces premiers siècles de notre ère, donc après Jésus-Christ, le développement de cultes qui évoquent cette notion de... Alors, j'utilise le mot sauveur pour aller vite, mais on a bien compris la nuance à faire, Philippe Roy. Pascal Capu, dans l'étude du mystère de Mithra, la contextualisation est essentielle. Et dans ces premiers siècles de notre ère, il y a de ça. Hein, il y a d'autres cultes qui sont particuliers, qui évoquent une nouvelle, alors je ne sais pas s'il faut dire spiritualité, mais en tout cas peut-être une nouvelle quête pour certains. Oui, alors ce qu'on a appelé, évidemment, là, on tombe sur une terminologie extrêmement ambiguë dont Monsieur Roy est spécialiste, sont les fameux cultes donc à mystère, mais on peut dire que d'une manière générale, John Shade et bien d'autres l'ont écrit et dit depuis fort longtemps, on le sait, le système qui caractérise effectivement la religion romaine est le polythéisme, hein, tout d'abord. Rome, c'est ce gigantesque entonnoir, si je peux m'exprimer ainsi, qui accueille des centaines de divinités qui voyagent, qui viennent d'un peu partout, les fameux sacra peregrina, comme on dit de manière barbare quand on fait l'histoire des religions antiques. Ces dieux donc qui viennent de l'étranger apportent des réponses que la religion d'État ou la religion officielle n'apportait certainement pas. Donc dans l'espèce humaine, on sait bien que dans l'histoire des hommes, on a besoin donc de trouver des réponses à des questionnements qui touchent à l'âme et au devenir effectivement donc de l'âme. Donc depuis Isis, en passant par Cybèle, jusqu'à également Esculape, d'ailleurs l'Asclépios grec, dieu de la médecine, et jusqu'à Mithra, on importe des divinités pour peut-être obtenir en tout cas des réponses concrètes. Dans toutes ces religions, ces cultes, ces sectes, parfois, certaines réussissent. C'est le cas du christianisme avec le monothéisme, qui est la particularité. Philippe Roy, avec Mithra, nous ne sommes pas dans un monothéisme. Alors, nous sommes dans un énothéisme. Oh là, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un stade intermédiaire, disons, entre le polythéisme et le monothéisme. L'énothéisme place un dieu au-dessus des autres, mais sans nier le système polythéiste dans lequel son culte s'inscrit. Et ça, c'est vraiment le cas de Mithra. D'ailleurs, beaucoup, on le sait par les inscriptions, beaucoup d'adeptes de Mithra pratiquaient d'autres cultes. Mithra est un culte qui était réservé aux hommes. Bon, c'est une question absolument importante pour comprendre où l'on se trouve. Donc, des hommes qui pratiquaient le culte de Mithra pour eux-mêmes, individuellement, avaient une famille, avaient une femme, des filles. Et on a des exemples où, avec leur épouse et leur fille, ils pratiquent aussi le culte d'Isis, par exemple, qui est beaucoup plus féminin pour le coup. Donc, on est vraiment dans un culte qui est intégré dans le système polythéiste, mais c'est un culte qui place ce dieu-là en avant et au-dessus, en quelque sorte au-dessus des autres. En relativant que dans les représentations tauroctoniques, certaines sont entourées de petites scènes qui relate le mythe, le mythe ou la geste, comme on dit, de Mithra. Et on voit bien que dans certaines scènes, le sacrifice du taureau est ordonné par les dieux, donc par les 12 dieux olympiens, par la triade capitoline, qui reste dans le monde romain la référence dominante en matière religieuse. Sans oublier le culte de l'empereur, qui est aussi le ciment, et que les adeptes de Mithra ont toujours scrupuleusement respecté. Oui, c'est important, hein, parce que le mystère de Mithra s'inscrit très très bien dans la religion romaine, et même au-delà de la religion, dans le fonctionnement de l'Empire. Dans le fonctionnement civique romain aussi. Avec l'empereur. Margot Bécas, ça raconte quoi d'ailleurs cette histoire de Mithra ? Pourquoi tue-t-il un taureau, ce dieu-là ? Alors, malheureusement, nous n'avons pas de texte hérité de l'Antiquité qui nous raconte ce qu'est l'histoire de Mithra. Donc, ce qu'on peut en dire aujourd'hui provient essentiellement de l'analyse que l'on peut faire des images. Et à partir du 19e siècle, notamment grâce aux travaux de Franz Cumont, qu'on considère encore aujourd'hui comme le père des études mithriaques, donc Franz Cumont le premier a proposé de restituer un récit à partir, en fait, de scénettes qui apparaissent sur des reliefs ou des fresques, notamment dans les provinces de en Germanie. On connaît des reliefs où plusieurs scénettes sont associées et ces scénettes semblent renvoyer à des épisodes qui se succèdent. On aurait donc une trame chronologique qui permet de retracer ce qu'est l'histoire de Mithra. Donc le premier épisode tel qu'on le restitue, c'est celui de la naissance de Mithra, la pétrogenèse. On appelle cet épisode ainsi parce que Mithra naît d'une manière très particulière. Il naît de la roche. Il sort de la roche armé, muni d'un glaive et d'une torche. Et cet épisode qui apparaît assez fréquemment, c'est un des épisodes qu'on connaît le mieux avec la tauroctonie qu'on trouve dans les sanctuaires. Cet épisode semble évoquer de la même manière que la tauroctonie la notion de fertilité, la notion de régénérescence, parce que la pierre génitrice fait sans doute écho à la terre nourricière, la terre fertile de laquelle parfois même des branches, les branches d'un arbre sortent, ce qui indique la symbolique de la fertilité. Donc c'est un épisode que l'on connaît. Il y a celui de la tauroctonie, il y a l'épisode dans lequel Mithra fait jaillir d'un rocher une source en tirant à l'arc, et également toute une série d'épisodes au cours duquel il entretient des rapports parfois conflictuels avec Sol, le dieu solaire. Voilà, un dieu qui s'intègre très bien dans l'univers romain, mais peut-être pas l'ensemble des Romains. Vous nous l'avez dit, hein, Philippe Roy, c'est un culte réservé aux hommes. Après, toujours cette idée de mystère, c'est très important, cette idée de mystère, parce que c'est censé intégrer et peut-être exclure un petit peu à la fois. Et l'historien, l'historienne dispose aussi d'énormément de sources qui commentent, mais alors souvent de loin, ce culte. Exemple avec Porphyre. Pareillement, les Perses, dans la cérémonie d'initiation au mystère de la descente des âmes et de leur régression, donnent le nom de caverne au lieu où s'accomplit l'initiation. Cet antre représentait la forme du monde créé par Mithra, et les choses qui y étaient disposées à des intervalles réguliers symbolisaient les éléments cosmiques et les climats. Après Zoroastre, l'usage persista d'accomplir les cérémonies de l'initiation dans des antres et des cavernes, soit naturelles, soit creusées de main d'homme. Car de même que l'on consacrait aux dieux olympiens des temples, des sanctuaires et des autels, des stèles aux dieux terrestres et aux héros, des fosses et des trous aux dieux souterrains, de même, on dédiait au monde des antres et des cavernes ainsi qu'aux nymphes, à cause des eaux qui tombent goutte à goutte et jaillissent dans les antres, et auxquelles président les naïades, comme nous le dirons bientôt. Merci Olivier Martineau d'avoir lu cet extrait de Porphyre, philosophe néoplatonicien, 3e siècle de notre ère. Un extrait de l'antre des nymphes. Philippe Roy, ça y est, nous sommes dans la grotte. Que vient faire la grotte dans cette histoire ? Alors, cet extrait de Porphyre est très bien choisi parce qu'il est un de ceux qui a été corroboré par l'archéologie. Effectivement, le culte de Mithra se célèbre sous terre. Alors, les mitréums étaient en général des bâtiments faits de main d'homme, mais à moitié enterrés pour représenter cette notion de caverne, ou alors dans les sous-sols d'un bâtiment préexistant, et parfois, assez rarement, dans des grottes réelles. Parce que la caverne, c'est l'environnement du sacrifice. Le sacrifice du taureau se déroule dans une caverne. Et Mithra, qui est un dieu solaire, apporte son travail de générescence sous terre. On est dans un petit paradoxe qui est justement qui se rapproche un peu plus de la mentalité des mystères que des cultes traditionnels qui sont célébrés au grand jour, à grand bruit et pour tout le monde. Là, on est véritablement dans l'aspect le plus proprement mystérique, disons, et mystérieux d'ailleurs, du culte de Mithra. Et c'est quoi d'ailleurs cette notion de mystère ? Ça veut dire quoi un culte à mystère ? Philippe Roy, en deux mots. Alors, c'est une catégorie qui est assez moderne. Alors, avec une nuance à nouveau, parce que jamais, par exemple, les dévots de Mithra ne disent qu'ils célèbrent des mystères. Comme on le trouve chez ceux des mystères de Samothrace, où ils précisent dans les inscriptions qu'ils célèbrent des mystères. Le mot mystère dans le cadre mithriaque n'est pas employé. Par contre, ce sont les auteurs chrétiens qui parlent des mystères de Mithra. On a Justin de Naplouse, Grégoire de Nazianz disent précisément les mystères de Mithra. Mais ça, c'est la manière des chrétiens de décrire ce qu'ils savent ou ce qu'ils pensent du culte de Mithra. Nous avons incontestablement affaire à un culte initiatique, parce que on a des traces, des sources documentaires et archéologiques qui nous montrent des images d'initiation. Mais le côté mystère, si on se réfère à la matrice qui est le Eleusis, est déjà beaucoup plus difficile à corroborer. Alors pour une raison particulière, c'est que par exemple les mystères d'Eleusis, l'aspect des cérémonies secrètes de révélation des objets sacrés est déterminant. Dans le culte de Mithra, le rite principal, fondamental, c'est le banquet solennel partagé entre les adeptes. Or là, on est dans un culte de partage qui s'éloigne un peu de la description classique des mystères. Oui, parce que dans cette histoire, dans ces mystères de Mithra, il y a qui est ce dieu Mithra, et puis il y a ce culte. Pascal Caput, ce culte est un culte complexe. Nous entendons, il y a un banquet final qui est fort sympathique. Il y a des étapes avec notamment ce lieu très particulier, une grotte qui n'est pas, mais on l'a bien entendu, toujours une grotte naturelle. C'est un lieu souterrain parfois construit. Oui, parfois construit. Je rajouterais qu'il y a effectivement des mitréums en particulier quand vous n'avez pas l'occasion de trouver des grottes ou des espaces déjà construits et enterrés. Et quand vous êtes dans une plaine et en bord de rivière, il est plus pratique de construire, donc d'élever un mitréum. Et dans ce cas-là, le mitréum n'a pas de fenêtre. Il est totalement obstrué pour créer néanmoins l'atmosphère du fameux spéléum ou de l'antre sacré. Et dans cet antre, on partage le banquet. Alors ça, ce n'est pas spécifique effectivement à Mithra, puisqu'on partage le repas dans de nombreuses religions. Bon, tout d'abord, le banquet, c'est un acte fédérateur qui crée une cohésion sociale, parfois politique d'ailleurs dans le monde romain. On banquette pour réunir les amis, on banquette pour négocier des affaires très importantes, et on banquette effectivement dans un cadre un peu plus, dirait-on, spirituel et religieux. Le banquet, en même temps, implique des podias, comme on dit, c'est-à-dire des bancs, un endroit où l'on s'allonge, hein, où l'on se fait face. Et je voudrais juste préciser que le mitréum est un espace effectivement très particulier. Il n'y a pas de fronton, il n'y a pas de colonne, il n'y a pas de grands emmarchements, il n'y a pas cette grande axialité, frontalité, surélévation que l'on connaît bien quand on fait de l'architecture romaine templaire. C'est un espace particulier, mais en même temps, ce qui s'y passe à l'intérieur rappelle des cérémonies qui existent depuis déjà très longtemps. En Grèce, comme à Rome, si on se rapporte notamment aux grandes salles à manger impériales de Sperlonga entre Rome et Naples, ou de Baï sur le golfe de Naples, on sait bien que sous les empereurs Julio-Claudien, de Tibère à Néron, on organisait des grandes salles à manger sous roche. D'ailleurs, Tibère a failli perdre la vie, puisqu'on sait qu'à Sperlonga, une roche est tombée donc sur son cliné, sur son lit, et qu'il fut sauvé in extremis par l'un de ses compatriotes, l'un de ses amis. Et ces salles à manger imposaient donc un biclinum, donc des sièges qui se faisaient face, et en fond de salle à manger, qu'y a-t-il ? Il y a une image mythologique, en l'occurrence souvent Ulysse et Polyphème, donc on fait référence à Odyssée et à l'Iliade, et finalement, donc j'insiste un peu sur ça, parce que les discussions entre romanistes donc se rejoignent ici, c'est-à-dire que dans le mitréum, certes, le sanctuaire est tout à fait atypique, mais l'organisation, le système d'organisation du banquet qui a lieu, en fait, est exact, tout à fait romaine. Ouais, c'est ça qui est passionnant d'ailleurs, et cette idée même d'avoir un lieu de culte légèrement sous terre, mais qui n'est pas ostensiblement visible. Ça, c'est quelque chose qui est très fort, et dès lors, dès qu'il y a un petit peu de mystère et de culte secret, il est possible d'en sourire. Bonjour, c'est dame. Je cherche des amis, alors je sais pas... Et ils m'ont dit que je trouverais, ils se réunissent pour organiser des choses un peu spéciales. Ah oui, ça c'est spécial, ça oui. Ouais. Mais je sais pas si... Ils m'ont dit dans les catacombes, alors c'est... Oui, enfin c'est en bas. Ça t'amuserait de jeter un coup d'œil? Mais qu'est-ce que t'as, mon petit chat? T'es timide? Non, c'est parce qu'ils m'ont dit que c'est secret, alors... Secret? Mais non, c'est pas secret. C'est discret, c'est pas pareil. Ah autrement, bon? Tout le monde le sait. Ah bon? Ah, il y a même des gens de la police qui viennent. Ah bon? C'est Coluche qui entre dans 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, le film de Jean-Yann en 1982. C'est secret. Enfin, non, c'est pas secret, c'est discret. Margot Bécasse, il y a de ça aussi dans le culte de Mitra. Alors, on parle de mystère, mais on l'a bien compris, hein, c'est souvent une relecture de ce qu'était ce culte. C'est discret, mais pas secret. En fait, c'est un culte autorisé, il faut le dire. Alors, on ne sait pas exactement la manière dont dont s'organisaient les communautés mitriaques. Très probablement que le culte de Mitra était en effet soumis à autorisation. Il est possible que dans certains cas, les communautés aient pris la forme de d'un collégium, d'une association, auquel cas elles s'enregistrent formellement auprès des autorités. On le pense notamment pour certains cas italiens. Dans d'autres cas, oui, les communautés étaient discrètes, pas forcément enregistrées formellement, mais en tout cas certainement pas interdites. Il n'est pas du tout question de persécution ou quoi que ce soit de ce genre pour le culte de Mitra. Oui, c'est important de le souligner parce que dès que nous pensons à secret, nous imaginons interdiction et construction contre un pouvoir, contre quelque chose. Ce n'est pas le cas, hein, Margot Bécasse. Dans ce culte de Mitra, d'ailleurs, il y a cette difficulté, même si les sources archéologiques sont là, même s'il y a des témoignages, de savoir qui était socialement, qui participe à ce culte. Qu'en savons-nous ? Alors maintenant, on en sait finalement quelque chose grâce aux inscriptions. On connaît aujourd'hui à peu près 1100 inscriptions qui nous ont été laissées par des adeptes de Mitra, donc des monuments dédiés, parfois des monuments figuratifs, parfois des autels votifs. Et grâce à ces inscriptions, on arrive à avoir une image finalement assez précise de qui sont les adeptes de Mitra. Alors, à la différence de ce qu'on a longtemps avancé depuis le 19e siècle, depuis Franz Cumont, les adeptes de Mitra ne sont pas exclusivement des militaires. Aujourd'hui, les études statistiques sur les inscriptions, celles de Klaus notamment, indiquent que les militaires représentent 11% des adeptes. Donc, parmi le reste des adeptes est composé en fait d'individus qu'on pourrait identifier comme appartenant à la classe moyenne, même si c'est un peu simplifier les choses que de dire ça. Donc on a des esclaves, on a des affranchis, des gens qui appartiennent la plupart du temps effectivement à cette classe moyenne, peu de gens issus de la classe très haute, on connaît peu de sénateurs, de chevaliers, et donc c'est un horizon quand même assez varié, avec cependant pour chaque communauté un profil assez typé. On connaît des sanctuaires qui ont été fréquentés par les membres d'une même légion, donc ça recrutait dans les mêmes cercles. Et dans cette construction, parce que c'est vrai qu'il y a sans doute du recrutement, il y a cette notion d'initiatique en fait. Il faut être accompagné par quelqu'un. Pascal Capu, qu'en savons-nous ? Comment ça fonctionne ? Il y a des réseaux qui arrivent à se constituer, comme par exemple ce qui vient d'être évoqué par Margot Bécasse, c'est-à-dire autour d'une légion à quelques militaires. Pas facile d'y rentrer. Oui, alors des réseaux, il y a des réseaux, très certainement, tout dépend ce que l'on appelle réseau, mais comme le disait très bien Margot, effectivement aujourd'hui on se rend compte que bon, les militaires n'excèdent pas 20% donc de ces adeptes. Les adeptes en fait se retrouvent dans des petites chapelles, comme on le sait. Combien d'adeptes dans une chapelle ? Entre, on va dire, 15 et 20, peut-être 50 pour les très grands mitréums. Alors, on a trouvé un mitréum de 30 mètres de long sur 6 mètres de large à Elsmunds, entre Barcelone et Tarragone. C'est un mitréum tout à fait particulier, exceptionnel dans le cadre d'une villa, mais les membres d'une même famille pouvaient très certainement donc être adeptes de l'une de ces chapelles, comme certains fonctionnaires des douanes, comme donc des affranchis et des associations, donc des membres d'une même association. Donc on a des liens de fraternité, des réseaux effectivement professionnels, et donc ce qui réunit ces adeptes, hein, ce sont avant tout des ambitions communes, très certainement, et donc dans un cadre vraiment soit familial, soit économique. Et pendant que certains se vouent au culte de Mitra, nous sommes au 1er siècle après Jésus-Christ, eh bien, là-bas, en Palestine, un charpentier fait son métier. Je me souviens. J'ai d'abord pris le jeûne pendant 3 mois. Je me flagellais même avant de m'endormir. Au début, j'y parvenais. Puis la douleur revint. les voix. Elle m'appelait par mon nom. Jésus. Un extrait de La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese en 1988. Mitra, une secte très obscure ou un rival du christianisme. Philippe Roy, je reprends un point que vous développez dans les cultes de Mitra dans l'Empire romain publié aux presses universitaires du Mirail avec Laurent Bricot. Cette rivalité avec le christianisme nous intéresse. Nous sommes dans ces premiers siècles de notre ère avec, alors nous l'avons dit, ce mot sauveur qui s'est imposé pour Jésus, qui a été associé en partie à ce dieu Mitra, venu d'Inde, passé par la Perse. Quel lien y a-t-il à faire entre ces deux cultes dont un a connu un succès majeur jusqu'à aujourd'hui, l'autre un succès majeur, mais qui s'est arrêté? Alors, en réalité, on trouve plus de différences entre la religion chrétienne et le culte de Mitra, déjà dans les deux mots, religion et culte, parce qu'on ne peut pas dire que le culte de Mitra soit une religion. On a dit déjà tout à l'heure que c'est un culte qui s'intègre dans un système religieux, polythéiste. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de... Les choses sont claires. Et la rivalité a été instrumentalisée par les historiens du XIXe siècle. Entre autres, Ernest Renan, dont on connaît la phrase célèbre dans son Marc Aurèle, « Si le christianisme avait été frappé d'une maladie incurable, le monde eût été mitriaque. » Mais ça, c'est Renan qui pense ça. Et Renan disposait d'assez peu de connaissances sur le culte de Mitra dans les années 1880. C'était encore assez sommaire. Il faut dire qu'au départ, on pensait que Mitra était un dieu agraire, au début du XIXe siècle encore. Le dieu solaire d'origine indo-perse s'est détaché au milieu du XIXe siècle avec les découvertes archéologiques. Donc cette rivalité a été mise en scène en fait par les historiens de la Troisième République. Là, on entre dans un problème d'histoire plus contemporaine, c'est qu'on était dans une époque où le christianisme était contesté. Et donc, pour contester le christianisme, on cherchait dans les cultes ou les mouvements religieux contemporains des choses qui pouvaient le relativiser. En fait, le but d'Ernest Renan, on le connaît bien, c'était de montrer que le christianisme n'était qu'un culte parmi d'autres qui avaient réussi, et que si celui-là avait échoué, un autre aurait réussi à sa place. Il a mis ça sur le compte de Mitra, mais c'est une exagération très très forte. Voilà, Ernest Renan, qui au XIXe siècle est l'auteur d'une vie de Jésus, il n'est pas l'auteur d'une vie de Mitra, mais il aurait peut-être pu, on ne sait jamais. Et pour l'observation de ce culte, évidemment, nous pouvons compter sur les auteurs chrétiens. Et que dire du fait qu'ils sont abusés les yeux bandés dans une caverne? En effet, pour qu'ils ne s'effraient pas d'être indignement avilis, on leur voile les yeux. Certains battent des ailes comme des oiseaux et imitent le cri du corbeau. D'autres, au contraire, rugissent à la manière des lions. Et d'autres encore, les mains liées par des boyaux d'animaux, sont poussés au-dessus de fosses emplies d'eau lorsqu'arrive quelqu'un armé d'un glaive, rompant les susdits boyaux qui se proclament libérateurs. Dans le pseudo-Ambroise au IVe siècle, après Jésus-Christ, évidemment, sur ces questions sur l'Ancien et le Nouveau Testament, Mitra est évoqué avec des questions de boyaux. Pascal Capu, c'est Dieu, alors, très particulier, lu par les chrétiens. Évidemment, Mitra, mais comme l'ensemble des dieux païens, est rejeté. Il y a cette petite connotation sanguinolente dans la description du culte de Mitra. Oui, alors suite à cette lecture, on est totalement effrayé, effectivement, parce qu'on est plongé dans un antre persique où les adeptes semblent souffrir, plongés dans l'eau, brûlés, être brûlés au fer, les mains attachées avec des boyaux d'animaux, effectivement, et plongés dans l'eau glacée. On a là l'auteur Ambrose Yester, le pseudo-Ambroise, donc dresse un portrait absolument terrifiant de ce qui se passait dans ces antres bien mystérieux. Ce sont les fameux ce sont les mystérieux mystères, si on peut dire, là. Mais effectivement, tout ça est un discours partial. C'est un discours d'auteur chrétien qui semble vouloir jeter l'opprobre, effectivement, sur quelque chose qui est beaucoup plus, finalement, pacifique. Et les initiations qui ont lieu lieu dans le cadre de ce culte sont très certainement théâtralisés et symboliques, hein, et doivent reproduire donc le mythe. Alors c'est le cas de bien des religions où dans le cadre d'un banquet ou d'une cérémonie entre adeptes, on reproduit de manière symbolique, hein, la vie effectivement du dieu auquel on voue un culte. Et dans cette idée de reproduction, de reproduire les choses, Margot Bécas, il y a ces œuvres d'art. Nous l'avons dit, hein, dans le lieu du culte, il y a des représentations, Mitra en train de tuer le taureau, mais d'autres œuvres. Nous sommes frappés, mais c'est sublime, mais avec toute une variation adaptée aux régions, et puis adaptée peut-être aussi à l'argent dont disposent les fidèles. Ils peuvent payer un bon ou un sculpteur un petit peu moins bon. Il y a toute une variation, mais on trouve quand même une unité dans ces représentations. Oui, absolument. Alors, comme on l'évoquait précédemment, il y a des épisodes qui composent le mythe et qui se retrouvent d'un sanctuaire à l'autre, d'une époque à l'autre, avec essentiellement la tauroctonie, également la naissance de Mitra qu'on évoquait tout à l'heure, et sans qu'on puisse préciser exactement de quelle manière, on sait qu'il y avait sans doute une transmission des modèles iconographiques parce qu'il y a une telle fixité dans le mode de représentation que ça implique nécessairement que les images se déplaçaient d'un endroit à l'autre. Mitra est toujours positionné de la même manière sur le taureau. Il tient toujours son glaive de la même manière. Il poignarde toujours le taureau de la même manière. Le scorpion, le serpent, le chien sont toujours aux mêmes emplacements. Donc, circulation des images, effectivement. Et ça nous apprend beaucoup aussi, hein, sur le fonctionnement d'un culte et sur sa diffusion dans l'Empire. Comment peut-on expliquer d'ailleurs un tel succès, rapide quand même, il faut le dire, c'est un succès soudain pour un culte venu d'Orient qui se propage très vite, Philippe Roy, mais de l'autre côté, une disparition tout aussi rapide. Alors la disparition, on peut l'expliquer avec le christianisme qui s'impose, mais le grand succès de Mitra, vous l'expliquez comment, vous ? Alors le premier facteur, incontestablement, c'est dû à la grande connectivité à l'intérieur des provinces de l'Empire romain, où les gens se déplacent. D'ailleurs, beaucoup d'adeptes de Mitra sont des personnes qui se déplacent. Les militaires, certes, les douaniers, les fonctionnaires de l'État. On trouve la plupart des sites mitriaques le long des grands axes de circulation et dans les ports, par exemple. Oui. Ce qui est une piste d'explication assez importante, avec des concentrations dans certaines régions plus que dans d'autres. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur le culte de Mitra en Gaule. Quand on est dans les premiers siècles de sa diffusion, c'est-à-dire au deuxième siècle essentiellement, on le trouve surtout le long de la vallée du Rhône, dans l'axe de circulation qui relie les Germanies inférieures et supérieures au port d'Arles, par exemple, ou à l'Italie. Quand on se déplace vers le IVe siècle, on voit que les sites pénètrent davantage à l'intérieur du territoire. Or ça, c'est une question qui m'intéresse, sur lesquelles on a tellement peu de documents qu'il est difficile d'expliquer comment se passe. Et là, c'est la réception du culte à l'intérieur des provinces est vraiment intéressant, mais on a assez peu d'éléments pour pouvoir en parler. Mais cette connectivité à l'intérieur de l'Empire qui permet des circulations des personnes et des idées, du coup, explique la raison première de la diffusion rapide du mitraïsme. Le mystère Mitra, c'est le titre de l'exposition au musée Saint-Raymond de Toulouse. Pascal Capu, il y a de cela dans Mitra, il y a du mystère, culte à mystère bien sûr, mais il n'y a pas que le culte qui est mystérieux, c'est l'histoire de Mitra elle-même, qui demande à être relue sans cesse. Nous l'avons dit, cette disparition, la lutte avec le christianisme, nous pouvons le comprendre facilement, mais la relecture de Mitra, redécouvert, oublié, mal compris au XIXe siècle, c'est aussi l'intérêt du travail au moment d'une exposition, de mettre à plat ce que nous savons de Mitra. Exactement. Alors, nous, notre but avec les collègues du Musée Royal de Marimont et du Musée Archéologique de Francfort, parce que je précise que c'est une coproduction européenne et les trois musées donc sont étroitement imbriqués, impliqués donc dans cette aventure Mitra. Notre but était de remettre au jour, en fait, ou à jour plutôt dans ce cas-là, les informations sur Mitra, et notamment en correspondance avec les fouilles archéologiques, puisque alors nous travaillons étroitement avec l'INRAP au musée Saint-Raymond, et notre vocation de musée archéologique implique que nos expositions soient vraiment et délibérément tournées vers la science archéologique et les nouvelles recherches. Donc on le sait très bien, alors on le dit habituellement de manière peut-être un peu caricaturale, mais on dit qu'un mitréum est découvert ou mis au jour chaque année. L'exemple de Mariana en Corse en 2018, celui d'Angers en 2010, bien sûr dans les années 80, Marie-Agnès Guédon-Bunel avait fouillé celui de Septeuil qui se trouve près de Mantes-la-Jolie et celui de Bordeaux également. Prouve bien que cette archéologie nous a fait faire un bond en avant. Margot précisait tout à l'heure combien les adeptes étaient aujourd'hui connus grâce aux objets qui sortaient de terre et à l'épigraphie, et c'est bel et bien le cas. Et je crois que cette exposition permet justement cet éclaircissement, en tout cas aujourd'hui à Toulouse. Le musée royal de Marimont, c'est la Belgique. Le musée de Francfort, évidemment, c'est l'Allemagne. Le musée Saint-Raymond de Toulouse, c'est la France. C'est une histoire européenne, Margot Bécasse, cette histoire-là. C'est ça qui est passionnant aussi. Alors oui, tout à fait, mais je pense que l'intérêt aussi de ce projet en partenariat, c'est que chaque exposition va pouvoir développer les spécificités du culte dans une région donnée. Nos collègues de Marimont se sont concentrés notamment sur le culte, la réception du culte dans les provinces de Gaule, dans les Germanies. Nous, au musée Saint-Raymond, nous présentons des œuvres de la péninsule ibérique, notamment découvertes à Mérida, en Espagne, un relief portugais également. Et puis nos amis de Francfort présenteront le culte de Mitra dans un contexte plus local, avec également, je crois, sans spoiler, des œuvres italiennes. Voilà, et puis dans cette histoire, Philippe Roy, hein, les cultes de Mitra dans l'Empire romain que vous publiez avec Laurent Bricot, c'est aussi une histoire qui s'actualise sans arrêt avec ce qui vient d'être évoqué. C'est découvert sans cesse parce que partout en Europe, il y a ce culte de Mitra qui a laissé des signes. Oui, on a même trouvé en 2010, si je ne me trompe pas sur l'année, le site le plus septentrional d'implantation de Mitra, c'est en Écosse. Donc sur l'ancien mur d'Antonin, où là on est vraiment au maximum de l'extension au nord de l'Empire romain, et Mitra était arrivé là, sans doute par des militaires, hein, d'après les inscriptions qu'on y a trouvées. Et puis il y a une autre lecture à apporter au culte de Mitra, et peut-être c'est la lecture qui en a été faite au XIXe siècle, c'est ce lien avec le taureau et la tauromachie qui a brouillé un peu la lecture de Mitra, Philippe Roy. Oui, vous avez employé le terme de tauromachie. Là, nous entrons dans une question qui est souvent posée. Quel rapport avec la corrida, les choses comme ça? Alors, il faut préciser que le sacrifice du taureau par Mitra, c'est un sacrifice mythique. Le taureau est mythique, c'est le taureau lunaire. Il est blanc, d'ailleurs, quand on trouve des représentations peintes de la tauroctonie, dont on a encore les peintures, le taureau est blanc. C'est le taureau lunaire, c'est celui qui représente la vitalité animique. Donc cette régénération de la terre par Mitra quand il fait jaillir une source, et après quand il sacrifie le taureau, touche véritablement le domaine du temps sacré. Donc dans les mitréums, on ne sacrifiait pas de taureau, par exemple, hein. On a ça chez Cybèle, mais encore que rarement. Mais j'ai oublié la question. Non, mais c'était ça. C'était ce lien qui a été fait au XIXe siècle, notamment en voyant dans le culte de Mitra une origine lointaine de la corrida. Le sacrifice de taureau se pratiquait dans l'Antiquité à Rome, en Grèce. La tauromachie est une pratique aussi qui est répandue. On n'est pas du tout dans une résurgence de l'esprit, en fait, qui préside à la tauroctonie. Ce n'est pas un culte sacrificiel. Voilà, il n'y a pas de sacrifice, c'est un sacrifice symbolique, Pascal Capu. Que reste-t-il à découvrir sur Mitra? Quel est le point qui interpelle encore? C'est dur ça comme question. Hein. Parce qu'on ne peut pas dire on sait tout. Non, il y a beaucoup de questions. C'est-à-dire que l'exposition à tous, c'est le but d'une exposition. D'abord, c'est un rassemblement d'œuvres exceptionnelles parce que on n'a jamais vu ces œuvres juxtaposées, ou en tout cas exposées les unes à côté des autres. Et on se rend compte que l'exposition est remplie de questions et quelques réponses fusent. Alors l'archéologie permet de connaître aujourd'hui un peu mieux les adeptes, mais que se passe-t-il dans le cœur des sanctuaires, dans le spéléum, comme on dit, exactement, les rites initiatiques déformés par les auteurs chrétiens dont nous avons parlé tout à l'heure, évidemment, il faut les mettre de côté, et le questionnement sur les rites d'une religion qui fut dite à mystère, justement, c'est au cœur du sujet. Voilà, donc il reste encore un peu de mystère. Merci beaucoup à tous les trois, Margot Bécasse, Pascal Capu. Alors cette exposition, le mystère Mithra, plongé au cœur d'un culte romain, et c'est une plongée qui perturbe de se rendre compte de cette vivacité d'un culte très particulier et qui explique beaucoup de cette période des premiers siècles de l'Empire romain. Et merci beaucoup à vous, Philippe Roy, et je rappelle, les cultes de Mithra dans l'Empire romain avec Laurent Bricot. Mais pour le moment, celui que nous retrouvons pour le pourquoi du comment, c'est Gérard Noiriel. Comment faire l'histoire du climat ? L'évolution de nos climats est aujourd'hui scrutée minute par minute grâce à de savants météorologues qui mobilisent les méthodes scientifiques les plus sophistiquées pour en rendre compte. Mais toutes ces techniques sont très récentes. On peut donc se demander s'il est possible de savoir comment le climat a évolué pendant les périodes où ces technologies n'existaient pas. L'historien Emmanuel Leroy-Ladurie a montré dès la fin des années 60 qu'une telle entreprise était possible, même pour des périodes reculées. Les premières observations thermométriques remontent à 1659 en Angleterre et à 1676 en France, les premiers relevés pluviométriques datant de la même époque. L'évolution de la taille des glaciers, l'épaisseur des anneaux des arbres, qui varie selon que l'année a été chaude ou humide, sont d'autres moyens scientifiques sur lesquels peut s'appuyer la recherche. Outre ces données physiques, l'historien dispose d'une grande diversité d'archives écrites, étant donné que l'évolution du climat a joué un rôle essentiel pour l'agriculture, qui était au cœur de l'activité économique dans les sociétés pré-industrielles. L'une des sources les plus fiables dans un grand pays viticole comme la France, c'est la date des vendanges. Étant donné que les communes, les moines, les curés la consignaient scrupuleusement dans leurs écrits, l'historien peut s'appuyer sur cette chronologie de longue durée pour connaître les aléas climatiques d'année en année. Quand les vendanges étaient tardives, cela signifiait souvent que le printemps et l'été avaient été froids ou frais. Quand elles étaient précoces, c'est parce qu'il avait fait plus chaud. Nos sources foisonnent aussi d'indications sur les événements climatiques ayant pénalisé ou favorisé les autres types de récoltes. La sécheresse, les inondations, le gel ont laissé des traces dans les archives en raison de leurs conséquences dramatiques pour les habitants. Lorsque les étés étaient trop chauds, le niveau des fleuves baissait. L'eau puisée pour vivre et boire devenait vaseuse, infectée, polluée, ce qui provoquait des épidémies de dysenterie et une hausse spectaculaire de la mortalité. Quand ces catastrophes se cumulaient, la situation sociale pouvait devenir explosive. Ce fut le cas lors de la Révolution française. Les fortes pluies de l'automne 1787, suivies de plusieurs épisodes de grêle au printemps 1788, puis d'un été caniculaire, pénalisèrent les récoltes, provoquant des disettes et une forte hausse des prix du grain, ce qui accentua la colère du peuple. Toutes ces données ont permis aussi de retracer de manière fiable l'évolution du climat dans un pays comme la France sur la longue durée. Les spécialistes ont constaté les débuts d'un petit âge glaciaire au XIVe siècle, marqué par une série d'hivers froids et des étés souvent pluvieux. À partir des années 1860, plusieurs périodes de réchauffement-rafraîchissement se sont succédées jusqu'au milieu des années 1980. C'est à ce moment-là qu'a débuté la phase actuelle du réchauffement climatique qui dépasse par son intensité tout ce que la France avait connu auparavant, avec des conséquences de plus en plus dramatiques pour le présent et pour l'avenir de l'humanité tout entière. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Ludovico G, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudèche, Jeanne Delecroix, Mayouen Guizhou, émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.